Oui. Emma. Ok. Mercredi 9 avril à 12h30, le partage d'écoute, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ça s'appelle Composer pour la Cousmonium et c'est donné par les étudiantes de composition de la HEM et de la HKB. C'est une sortie de workshop. Zoom. À 17h dans la salle de jeu, un concert pour les familles. Doudou de Doudou, c'est juste le descriptif, mais c'est un concert donné par Yoshihisa Taira et Toru Takemitsu. Voilà, c'est un concert minuscule adapté pour les 0-4 ans. À 19h dans la grande salle, un concert de Farnaz Modaresifar avec l'ensemble Recherche. À 21h30, toujours dans la grande salle, le concert de Richard Youngs, guitare et voix. Et à 22h30 dans le salon d'écoute, un concert sur Acousmonium de Mike Majkowski. Ben voilà. Et donc maintenant, tout de suite, avec quelques minutes de délai, le partage d'écoute en direct depuis le salon d'écoute au premier étage. Et on se retrouve demain. Ciao. Ciao.